tout ça va mal finir. Quel est ce mal qui est au fond de moi? Je ne sais pas. Je suis là, mais je ne sais pas. Pourquoi? pas quoi. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je ne sais pas comment sortir de cet enfer. Je ne sais pas. Ma force déchaîne maintenant. Je ne sais pas. Non. Non. Thank you. sans lover. Savourer les restes, hein, tu les entends, pas vraiment zinc. Et oh, délision qu'un homme est rampant et que c'est pas vraiment un. Hein, que les larmes coulent sur les joues des pédales, putain. Ouah, puis ils te diront de remplir ta gourde d'alcool tous les jours. Par croire la voyante que t'as vue, la paix dans la boule, mon gars. Ouah. Est-ce qu'on peut faire confiance à une femme? Non, non, non. Non, non. Capable espérer sauter, puisqu'il te dit qu'à faire la cabane pour gagner le respect. Ne les entends pas d'une oreille, ces tristes propos. Tu n'auras pas besoin ni de leur air, ni de leur air qui te propose. Mais leur, ils t'ont loupé la borne. Mais mon frère nique la leur, ta route elle est bonne. Ne les regarde que d'un œil. T'as pas besoin de leur gueule, ni de faire presque mieux. Je leur dois absolument tout. Non, non, non. Ils t'ont juré que pour être une femme faut de la classe. S'entraîner devant la glace, mériter sa place. Qu'au fond de la boule, la chaîne, les cheveux de la pub. Qui disent qu'il faut raser la chatte, moi je dis que c'est des putes. Non. Thank you. compliqué. Sauf quand il se nomme Mbappé. Tu veux tester? Oh non, c'est parti trop vite. Thank you. ces mots, dis-toi. Je viens de faire un album qui va classer l'auditoire. Mais je suis un drame et le pugilat. Je suis un driving passé. Bye bye Mazik. Oh non, la haine monte à tir à bout portant. J'entends que ça fight. J'aime le monde, mais pourtant j'attends sa faillite. Je déteste le bleu, ici c'est un même palpé. Tu veux tester? Non, je ne suis pas là pour ça. Tu peux me détester? Non. Thank you.